vous écoutez les Bee Gees. Mes invités vraiment nature sont en train de s'installer en studio. Annick et Isabelle, salut les filles. Bonjour. Vous représentez l'association Crête et Sentier 66 et vous organisez ce dimanche un événement à Bages. On aura l'occasion d'en reparler. Mais est-ce que vous êtes allées déjà randonner toutes les deux du côté de Monet? Je parle pas du restaurant, hein. Non. Non, jamais de balade à Monet? Non. Eh ben, c'est l'occasion de découvrir Monet grâce au reportage de Virginie Sinclair. Elle passe sa semaine à Monet, les filles. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais le village de Monet doit son nom à son terroir de schiste, ses roches de couleur noire, qui datent de plusieurs millions d'années. On va visiter le cœur de ce village en compagnie de Daniel Barbaro, le maire de Monet, Brigitte, qui est géologue, et évidemment Virginie Sinclair. On est passé par ce petit traboule, comme on l'appelle. Et ça grimpe chez vous, il y a un fort dénivelé dans le village. Ouais, vous voyez, je suis tout essoufflé. Je voulais vous dire que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ce cœur de village. On a refait tous les sols avec de la pierre, avec du béton désactivé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire du ciment teinté en rouge avec des graviers pour redonner l'aspect des anciennes rues qui étaient en terre ici, qui n'étaient pas pavées. Daniel Barbaro, vous êtes le maire du village depuis 2 mandats déjà ? Oui, c'est le 2e mandat. On a étalé parce qu'on n'a pas des gros moyens. En 4 phases, on a refait tout le cœur du village. Cette rue va nous mener où ? Alors là, on va arriver à l'église, qui a un très beau clocher qui est classé à l'ancien cœur du village, qui s'appelle un peu la cour du château, en fait. Parce qu'on est dans une enceinte qui était fortifiée par le passé. D'où ce labyrinthe un petit peu pour arriver jusqu'au sommet. Voilà, c'était les anciens villages moyenâgeux qui étaient un peu en colimaçon. En colimaçon. Et où c'était vraiment à l'intérieur d'une enceinte. Dans un premier temps, c'était vraiment le château. Mais petit à petit, ça a été. Les maisons sont venues se greffer autour et ça a été habité. Et pendant longtemps, jusqu'au cadastre napoléonien, il n'y a pratiquement que ça à Monet. Brigitte, vous êtes géologue. Justement, je voulais un petit peu compléter ce que disait monsieur le maire, puisqu'en fait, ici, l'église est construite en partie sur la terrasse du château. Et les maisons qui sont à côté de l'église, ont dans leur cave les restes voûtés des caves du château. Et on peut voir ici que ce château, comme tout le village de Monet, Monet ça veut dire le Mont Noir, et c'est Monténégro, et ça vient de la couleur des roches, les schistes, ici, vous voyez, et qui sont très particuliers. Tout le village est construit, et là vous avez justement de très très belles structures qui vous montrent cette transformation des roches, et qui sont des roches d'âge paléozoïque, c'est-à-dire en fait il y a 250-350 millions d'années. Alors nous sommes entrés dans l'église, Daniel, et il y a une sculpture assez remarquable. Oui, cette petite sculpture en pierre est très belle déjà en tant qu'objet, mais elle date d'avant que le village n'ait déménagé là où il est maintenant. Il n'y avait que le château, là. Et sur la colline en face, il est resté l'église Sainte-Eugénie. Et il y avait tout le village qui était là-haut. Et suite à une épidémie, les gens sont venus se réfugier, comme si c'était une guerre, mais c'était une épidémie, sont venus se réfugier autour du château pour être défendus quelque part symboliquement par les seigneurs. On a un petit musée derrière. Clé pour ouvrir. Daniel, c'est un endroit où personne ne vient ici. Non, pour l'instant, c'est pas du tout organisé. Il faut demander, il faut que quelqu'un vienne avec la clé pour ouvrir. Et alors là, qu'est-ce qu'on peut apercevoir ? L'ancien mécanisme de l'horloge qui se trouve sur le clocher. Et ce qui est intéressant, c'est donc il y a une espèce de petit musée lapidaire, et il y a donc des objets de culte qui ont une certaine valeur parce qu'ils sont du 18e, comme les statues. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir ce joli village de Monet. Virginie Sinclair y passe sa semaine. Les reportages sur écoute sur francebleu.fr et sur l'application Ici par Radio France. Les reportages s'appellent Dans ma rue, Virginie Sinclair. Petit K. Petit 4 heures. Presque l'heure. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro. Où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, pris au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans de drague. T'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux.

Eh bien, nous organisons des randos, donc c'est ouvert à tout le monde de 8 ans à 77 ans, on va dire. Même plus. Et au-delà pour certains de nos aînés, hein, parce qu'il faut... Certains de nos aînés sont là depuis le départ et qui sont maintenant dans un âge un peu avancé, on va dire. Vous faites des randos santé aussi, parfois? Oui, voilà. Ah, ça c'est chouette. Nous sommes labellisés en rando santé par la Fédé. Ouais. Nous avons un guide qui a passé les examens et qui, donc, dans ce groupe de rando santé zen, on va dire ça. C'est un groupe qui permet aux randonneurs de revenir sur une activité physique après une interruption plus ou moins longue. Voilà. Puis. Alors Isabelle, ce qui est génial dans cette association, c'est qu'on a souvent reçu des clubs de randonnée, la Fédération française aussi de randonnée. Il y a très peu de clubs ou d'associations qui organisent des sorties le week-end et du coup, ça prive de la randonnée des actifs. Vous, Isabelle, vous êtes active, vous avez 4 gîtes à Saint-Jean-la-Seille. Ça c'est pour que les copains qui vous écoutent vous reconnaissent. Voilà, 4 gîtes qui sont loués l'été aux vacanciers. Et l'hiver aux étudiants. Donc vous qui êtes active, c'était idéal pour vous ces randonnées le week-end. Tout à fait, oui. Le club propose donc des randos le mardi matin, le jeudi après-midi avec 4 guides qui accompagnent en fonction du dénivelé et du nombre de kilomètres. Et le week-end, donc ou le samedi ou le dimanche, c'est une rando à la journée, donc on part avec le pique-nique. Racontez-moi un exemple de rando. Sympa. La dernière, allez. La dernière, on était en Espagne, on est parti du plat Castagnier. Il y avait plein de châtaignes, plein de champignons. On s'est régalé, un beau ciel bleu. On a mangé sur le plat de la baïade avec des vautours qui nous tournaient autour. Oh, magnifique. Ouais. On a fini avec quelques gouttes, mais c'était très sympa. Quand vous partez à combien, par exemple, sur une rando journée comme ça, Isabelle? Sur le week-end dernier, nous étions 8. C'est toujours une dizaine. Hein, ouais, 10-12 à peu près. Ouais. Et après, le jeudi, dans chaque groupe, on est entre 15 et 30 personnes. Ah oui, 30 personnes qui partent. Et ça, c'est des randos peut-être plus courtes sur l'après-midi, sûrement. Oui. On part à 13h30 et on est de retour vers 17h, 17h30. Et la dernière que vous avez faite, Annick? J'en ai pas fait. Vous êtes la présidente de l'association et vous n'avez pas fait de randonnée. Non, je suis la secrétaire. Secrétaire, voilà. Demain, par exemple, le groupe santé va découvrir le village abandonné de Cazenob, près de Ille-sur-Tête. D'accord, très bien. 6 km avec un tout petit dénivelé. Qui c'est qui organise ça? Est-ce que vous avez des animateurs randonnés dans le club? Oui, ils sont assermentés. Donc Gérard, il est assermenté santé, justement, pour que s'il y a jamais un souci, il puisse intervenir rapidement. Et puis après, on a un, voire deux guides pour chaque groupe. Mais bon, on est toujours à la recherche de nouveaux guides. Hein. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ça sera avec plaisir qu'on les accueille. Hein. Allez, il n'est pas trop tard pour s'organiser. Dimanche, c'est à Bages, l'association Crête et Sentiers qui vous invite à leur marche pédestre rose. On en reparlera, évidemment. C'est tout au long de la matinée à Bages pour découvrir autrement le village. C'est un rendez-vous vraiment nature. Mesdames, on revient dans quelques instants justement pour parler et présenter tout le programme de ce dimanche 22 octobre et puis de continuer à parler aussi de ces marches et randonnées que vous organisez dans le cadre de l'association Crête et Sentiers. A tout de suite. Plaisir. D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines, et tu te retrouves seul, assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. Les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord. quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. T'as personne devant. Personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Y a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond. C'est toujours le même film. Francis Cabrel sur France Bleu Roussillon. On passe un coucou au fiston qui nous écoute. Où, Isabelle? À Saint-Dizier. C'est où, Saint-Dizier? Dans la Haute-Marne. Dans la Haute-Marne. Et il nous écoute sur France Bleu Roussillon. Oui. Il écoute maman. Oui, oui. Coucou Thomas. C'est votre rendez-vous vraiment nature avec une marche ce dimanche à Bages. Quatre marches pédestres, hein, Isabelle et Annie. Quatre marches pédestres avec des boucles toutes petites tounes, hein, de 6 à 12 kilomètres. On est sur du plat, les filles. Il n'y a pas trop de dénivelé, hein. Non, pas trop quand même, parce que comme c'est ouvert à tout le monde, donc nos randonneurs, on sait comment ils marchent, mais les gens de l'extérieur, on peut pas faire des gros dénivelés. Alors, les inscriptions étaient ouvertes jusqu'au 15 octobre dernier, mais si on se rend sur place ce dimanche, on peut y aller, hein, il reste quelques places, notamment pour les deux dernières marches, celles de 9h30 et 10h. Qu'est-ce qu'il faut prendre quand on veut marcher comme ça pour des marches pédestres, pour la bonne cause? On y reviendra. On prend quoi? Un sac à dos, une bouteille d'eau, des baskets, des bonnes chaussures, et puis un petit carré, le sourire. Si jamais voilà. Le temps se gâte. Ouais. Et, voilà. Et puis son sourire. La bonne humeur et le sourire. Vous avez déjà fait les parcours pour sentir un petit peu, Isabelle, qu'est-ce qu'on découvre à Bages? Parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut voir à Bages? Des vignes. Ouais. Beaucoup de vignes. Des fois, on aperçoit le lac de Villeneuve. Ouais. Bien que l'eau soit un peu basse, mais on l'aperçoit. Des tours, la tour de Saris. Oui, il y a plein de choses à découvrir. C'est-à-dire quand on s'inscrit au club, à l'association Crête et Sentier 66, on peut aussi faire des petites balades aux alentours de Bages. On n'est pas obligé de partir très très loin pour se changer les idées. Et heureusement, oui, il y a beaucoup de balades à faire autour de Bages. Hein. Pendant le confinement, heureusement qu'on pouvait sortir et aller marcher autour de Bages, oui, oui. Finalement. Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. On a fait des belles randos. Bages est quand même assez grand, quand même. On peut faire pas mal de kilomètres dans la même après-midi. Hein. Nos guides sont très. Oui, oui. C'est vrai. On les salue, ça s'appelle comment? Allez, on va les saluer. Alors, parce que c'est une petite famille, hein, que l'association. On va commencer par notre président, Patrick Montosé. Nous avons. Éric Berceau. Alain Mestre. Gérard Bigourdan, Éric Berceau, François Gaillet, Je vous regarde toutes les deux, vous êtes super complices. Hein. C'est au-delà d'un club de rando, c'est une petite famille, hein, j'ai l'impression. Ah oui. Il y a du soutien pendant les randos et puis en dehors aussi, vous organisez des repas, des événements. Ah non, fais attention à notre ligne. Hein. On ne va pas prendre des kilos pour les repères d'après en marchant, quand même. C'est une première, hein, ce dimanche. Oui. C'est au profit de la ligne contre le cancer. C'est la marche dans le cadre d'Octobre Rose. C'est une première pour vous. Ça vous tenait à cœur, vraiment, Annick, de mettre ça en place, hein. Oui, nous avons notre vice-présidente, Michèle Campagne, vous en a parlé. Et le bureau a été d'accord pour mettre tout en place. Et on en a parlé à Madame le maire de la mairie de Bages et on est en partenariat avec elle et on a tout lancé, les affiches, les programmes. Nos animateurs ont lancé les randos, ils ont été les reconnaître sur les terrains pour voir s'il n'y avait pas d'obstacles dangereux pour les gens et tout se déroule à merveille. Et il y aura un petit apéro aussi qui sera servi aux participants. Un apéritif qui est offert par la mairie de Bages. À la fin, tous les randonneurs se retrouveront sur la place de la République entre midi et quart et midi et demi pour le verre de l'amitié. C'est Bages en rose avec l'association Crête et Sentier 66 et la ville de Bages. Quatre marches pédestres ce dimanche. Rendez-vous place de la République. Les départs 8h30, 9h, 9h30, 10h. Participation de 8 euros totalement reversée au profit de la ligne contre le cancer et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Isabelle et Annick, merci beaucoup d'être venues dans ce rendez-vous vraiment nature. Merci à vous. C'est nous qu'on vous remercie de nous avoir reçus si gentiment. À très bientôt. À dimanche, tous en rose. Ah oui, parce que c'est tous en rose. Eh bien oui, c'est important de le dire, ça, que c'était tous en rose. Voilà. Messieurs, lavez votre t-shirt blanc avec un bon pull rouge. Avec de la betterave. Voilà, vous avez jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Isabelle et Annick. Oh là là, la vie en rose. Le rose qu'on nous propose. D'avoir les quantités de choses. Bages en rose, marche pédestre pour Philaline contre le cancer. C'est dimanche donc à Bages, rendez-vous à 8h30 place de la République, habillée en rose. Pour plus de renseignements, le 06 77 55 67 88. Et Isabelle et Annick, les téléphones n'ont pas arrêté de sonner depuis la fin de l'émission. Mais oui, alors Gislaine, qu'est-ce qu'ils disent? Merci Gislaine, elle nous dit qu'on a géré, on a bien vendu le club, c'est bien. Venez nous rejoindre, venez marcher avec nous, vous verrez, vous vous ennuierez pas. Crête et Sentier, il y a d'autres messages qui sont arrivés aussi. Oui, bah les maris, ma chérie, tu t'es bien débrouillée, ça c'est pour le chéri. Salut chérie, elle est contente Isabelle. Le mari écoute ensuite. Ouais. Non, c'est tout. On peut pas dire les autres. Non? Bah, ma petite fille, super mamie, t'as bien géré. Mais Candice, mamie, te fait des gros bisous. Voilà, gros bisous Candice de la part de mamie. C'est l'esprit de l'association Crête et Sentier que vous retrouvez sur Facebook et aussi en tapant association Bages Crête et Sentier. Et puis si vous voulez en savoir plus, tous sur la place de la République, dimanche matin à partir de 8h. Comme ça, vous pourrez rencontrer toutes ces belles personnes. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup. Le 6-9 France Bleu Roussillon, France Bleu Roussillon. Bonjour Suzanne. Bonjour. Les viticulteurs annoncent le rassemblement de la révolte. C'est prévu demain. Les viticulteurs des Pyrénées-Orientales et de l'Aude se retrouvent pour alerter sur leur situation. Difficultés financières, sécheresse aussi. On en parle demain avec notre invité. Pierre Hilary, le président des jeunes agriculteurs des Pyrénées-Orientales, à 7h45 demain. À demain. À demain. Quand vient la nuit noire, le programmateur de France Bleu a carte blanche. Hey, how you doing? France Bleu Collector, c'est nos lunettes sur les pépites. France Bleu Collector. France Bleu Collector, chaque soir de la semaine, dès 23h. Un week-end à la mer? Déjà fait. Et un city break? Plutôt envie de grands espaces naturels. Alors partons dans un vignoble. Ouais, bonne idée. En Occitanie? Du 19 au 22 octobre, vivez un fascinant week-end de festivités, de rencontres et d'expériences inédites au cœur des vignobles de la vallée du Rhône, du Roussillon, du Languedoc, du Pays d'Oc et du Sud-Ouest. Pensez au train et préparez votre séjour sur occitanie.fascinant-weekend.fr. 16-19, France Bleu Roussillon. France Bleu Roussillon. À 16h48, on retrouve Patrick Gascoigne et ses coulisses télé avec aujourd'hui un gros plan sur le retour de l'excellente série policière de France 2, Les Invisibles. Ils sont de retour à la télé. Les Invisibles sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Dans la profusion des séries policières, celle-ci ne la manquait pas. Les Invisibles, primé au festival Sérimania, a reçu le prix de la meilleure série policière pour sa qualité, sa crédibilité. Prix décerné par les professionnels de la sécurité intérieure. Si vous ne la connaissez pas, Les Invisibles, c'est une brigade. Une brigade qui est sollicitée pour des crimes laissant des corps sans identité, des corps que personne ne semble rechercher. Eh bien, la mission de cette brigade est de comprendre qui est cette victime et aussi comprendre qui l'a tuée. Et ils n'ont que 7 jours, le délai légal, pour répondre à ces questions. Le héros à la tête de cette brigade, c'est le commandant Darius, joué par le comédien Guillaume Cramoisan. Je lui ai demandé s'il avait conscience de jouer dans une série policière pas complètement comme les autres, Guillaume Cramoisan. Cette série, dont le canevas est certes un canevas policier avec des enquêtes, avec tout ce qu'il faut pour honorer un petit peu le genre policier, mais moi je trouve que ça dépasse le cadre policier pour toucher un peu plus comme une forme d'humanité en fait. C'est plus pour moi une série humaniste que policière, parce qu'on a affaire à des protagonistes récurrents, à des héros entre guillemets, qui sont pas écrasés sous une couleur de testostérone en fait. C'est plus des personnages qui cheminent, qui cherchent avec leurs erreurs, leurs peines, leurs joies, avec ce qu'ils sont. Ça donne un ton particulier en termes d'écoute, de présence au sein de ces quatre-là et vis-à-vis des gens qui doivent côtoyer au cours de leurs enquêtes. Guillaume Cramoisan à propos de cette série policière, mais pas que, qui fait l'unanimité, Les Invisibles, ce soir sur France 2, et qui va commencer par un coup de pression hein, sur le commandant Darius, joué par Guillaume Cramoisan. Il reçoit de la visite, ambiance. On peut se parler ? Allez-y, je vous écoute. Hein. Fatiguez pas avec le rapport, dites-moi directement leur conclusion, ça va aller plus vite. Hein. L'IGPN traîne, on n'est pas venu pour ça, Darius. Vous reconnaissez cet objet ? Non, je devrais. Et cet homme ? Non plus. On l'a retrouvé près du vieux château à Lambersart. Le crâne fracassé. Il avait cette poupée dans la poche de sa veste. Elle a l'air mignonne, cette histoire de petite poupée, là, ça se finit comment ? On a retrouvé votre ADN dessus. Aïe, aïe, aïe, pourquoi l'ADN de ce Darius est-il sur cet objet ? La réponse avec Guillaume Cramoisan et toute cette équipe dans Les Invisibles, ce soir sur France 2. Et Patrice Gascoigne, il n'y a pas que la télé dans la vie, il y a la radio, mais aussi le cinéma. Et souvent, après votre chronique, j'aime bien inviter nos auditeurs au cinéma. Vous êtes en voiture, vous avez envie de vous faire un petit ciné ce week-end, la semaine prochaine ou dans le prochain mois. Vous nous appelez tout de suite. Nous avons deux places pour aller voir le film de votre choix avec la personne de votre choix, deux places plein tarif. Hein. Au Castillet ou au Méga Castillet. Moi, j'aime beaucoup le Castillet au centre-ville de Perpignan, qui reçoit Alexandre Arcadie pour l'avant-première de son nouveau film mercredi prochain. On aura l'occasion d'en reparler. Mais là, tout de suite, deux places pour aller voir quand vous voulez, avec qui vous voulez, ou deux fois tout seul, le film de votre choix au Castillet, au Méga Castillet, 04 68 35 5000. Cher, que no vull començar intentant encaixar donant el que tothom espera ser que mai és massa tard per poder canviar i veure-ho d'una altra manera quan el dia es faci clar i em pugui imaginar que cada pas aixeco terra i per fi poder trencar amb tot el que em fa mal fugir sense pressa. Vull perdre'm i trobar. Deixaré escapar ni una oportunitat per acabar amb tot el que em frena com si fos al mig del mar remant cap endavant sortiré de la tempesta quan el dia es faci clar i em pugui imaginar que cada pas aixeco terra sé que em podré refugiar de tot el que em fa mal desfent el que pesa. Vull perdre'm i trobar-me sense fi. Vull veure com dibuixo el meu camí. Vull aprendre a curar-me i mirar endins. No haver de dubtar i creure en mi. Vull perdre'm i trobar-me sense fi. Vull veure com dibuixo el meu camí. Vull aprendre a curar-me i mirar endins. No haver de dubtar i creure. Jeune artiste Maria Escuada sur France Bleu Roussillon. Tara Tapas, c'est une soirée tapas plus concert. Tu pleures pour un garçon, tu seras pas la dernière. Le spectacle Si on chantait, les plus grands succès de la chanson française, interprété par les chœurs d'artichaut. Une grande soirée au profit des Restos du Cœur. Elle a dit justement, c'est ce que je voudrais savoir. Vendredi 24 et samedi 25 novembre à 20h à la salle des fêtes de Villelongue de la Salanque. Mais il faut réserver dès aujourd'hui sur la page Facebook Les Cœurs d'Artichaut 66. Tara Tapas, un événement France Bleu Roussillon, partenaire des Restos du Cœur, choisi par les bénévoles. À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibel. Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. Ce soir dans Décibel, on parle de William Scheller et de la compilation qui lui est consacrée, simplement Scheller. 17 artistes reprennent vers son piano-voix les plus jolies chansons de William Scheller. Il y a plein de gens bien sur cette compile. Calogero, Eddie Depreto, Véronique Sanson et mon invité de ce soir, Vincent Delerme. Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. Dans 5 minutes, les infos de 17h. Hein, je vous rappelle cet incendie en cours hein, autour des bains de Yau. Si vous avez des informations, appelez-nous. Le service de guidage est ouvert 04 68 35 5000. C'est Isabelle de Saint-Marcel qui ira au cinéma. Salut Isabelle. Bonjour. Vous nous écoutez à la maison, en voiture, oui, au travail? Oui, à la maison. J'étais en train de faire un peu de repassage et puis j'avais mon téléphone dans la main quand j'ai entendu que vous proposiez de vous appeler rapidement pour gagner 2 places de cinéma, donc j'ai tenté ma chance et j'ai de la chance aujourd'hui. Moi je suis super admirative Isabelle, des gens qui repassent encore. Ah ouais, bah, je repousse toujours et puis là j'en avais une telle quantité que je me suis dit il faut que tu t'y mettes ma cocotte, il n'y a pas. Mais vous repassez quoi? Je repasse, j'ai eu la chance de partir en Corse là il y a 15 jours et voilà, j'ai fait pas mal de lessive, je repasse des t-shirts, des bermudas, des chemisiers, des pantalons. Bon, les chemisiers, d'accord, mais les pantalons, les t-shirts, ça se met sous le matelas et ça se repasse tout seul ça. je repasse très rapidement hein. Je m'attarde pas énormément sur les t-shirts, je vous rassure. Vous avez la chance d'habiter à Saint-Marcel, joli petit village. Oui. Vous allez vous balader un peu. Est-ce que les champignons sont sortis ou pas? On n'arrive pas à en trouver en ce moment. Eh ben écoutez. Vous pouvez me tutoyer, c'est pas, il n'y a pas de souci. J'y suis pas allée, pour être franche, mais bon, on a un grand terrain et effectivement, on a quelques champignons qui sont sortis. Alors bon, pas des champignons comestibles, mais comme on attend quand même encore une fois désespérément la pluie, on devait l'avoir cette semaine et puis jusqu'à maintenant, ben on n'en voit pas trop la couleur. Je sais pas s'il y a des champignons. Il faudrait que j'aille voir. Mais pour moi, c'est tellement sec, ça doit pas être évident quand même. Vous avez une voix hyper agréable à écouter au téléphone, Isabelle. Oh, c'est gentil, bah, vous aussi. Franchement, là, je passe un très, très joli moment. J'ai failli même oublier le but de votre appel, c'est de repartir avec 2 places de ciné pour aller au Castillet ou au Méga Castillet. 2 places sont pour vous plein tarif. Et quand vous dites « on a un grand jardin », c'est que vous avez quelqu'un qui va vous accompagner au cinéma. Eh bien, bien sûr, on a 7000 mètres carrés de terrain, donc heureusement que j'ai un petit mari qui est super bricoleur et jardinier. J'ai beaucoup de chance. Parce qu'il Monsieur Jardine et Madame repasse. Isabelle, je vous repasse Véro, à l'accueil de France Bleu Roussillon, qui va vous expliquer comment récupérer vos places de ciné. Ça m'a fait du bien de papoter avec vous. Oh, c'est gentil, à moi aussi. Merci beaucoup. À très bientôt, bon repassage Isabelle. Merci. Au revoir. Et si, comme Isabelle, vous êtes en pleine corvée ménagère, bon courage. France Bleu Roussillon craque pour Soupa Moon. Artistes du pays catalan sont sur France Bleu Roussillon chaque samedi à midi. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Plongez dans la magie de l'automne en Pyrénées-Méditerranée. Du 21 au 29 octobre, la semaine Marie Moon vous réserve des moments inoubliables. Explorez les sentiers d'Elnos Albert, longez la Côte Vermeille, jouez avec l'imaginaire en famille et entre amis. Et grâce à nos précieux partenaires, dégustez chaque instant de cet automne enchanteur. Toutes les infos et réservations sont sur tourisme-pyrénées-méditerranée.com. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Roussillon.

chanson qui est multidiffusée pendant les mariages. Et les mariages, on va en reparler avant 18h avec mon invité du 16-19 qui va nous inviter, lui, à le retrouver samedi et dimanche au cœur du salon du mariage qui va avoir lieu au Parc des Expos de Perpignan. Ça match. Ça match. Le jeu. Ça match. Avec Patrick Mas. Depuis le 7 octobre, on fait la fête à Cabestany, la fête catalane pour être précis. Et ce week-end, vous êtes conviés au bouquet final de cette quinzaine. Olivier Babineau vient nous détailler le programme et jouer avec vous pour vous permettre de gagner peut-être votre télé 108 cm. On se retrouve à 11h. À demain. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec mes invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Les Pyrénées-Orientales sur un plateau. Le 16-19, France Bleu Roussillon. Et Christophe Willem en musique. Petit cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Christophe Willem, salut Jessica. Bonjour Edith. Nous sommes à Oniria, à Canet. Oniria qui va se transformer samedi. Que va-t-il se passer? Eh bien, il y a beaucoup de surprises. L'équipe est en train de peaufiner les derniers détails. Donc, l'aquarium s'apprête à célébrer Halloween donc pendant toute la période des vacances scolaires du 21 octobre au 5 novembre. Alors, vous dites des surprises, mais on peut en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous avez déguisé les requins, travesti les poissons? Alors déjà, on met en place toute une décoration, une scénographie donc sur le thème d'Halloween. Les visiteurs vont croiser évidemment squelettes, toiles d'araignées, automates de sorcières, de clowns, mais pas que, parce qu'on a invité durant les week-ends des comédiens qui seront là aussi pour faire des shows dans le circuit de visite. Et on aura également pas mal d'animations qui sont d'ailleurs à consulter sur le site oniria.fr, puisque les enfants pourront participer à des ateliers créatifs avec la fabrication d'un souvenir d'Halloween, mais aussi des sessions de maquillage. Donc tout le programme est sur le site internet d'Oniria. Et enfin, il y a un jeu de piste aussi qui est mis en place, un jeu de piste où les enfants sont invités à aider les soigneurs à résoudre une énigme, celle de la récente disparition de coquillages. Et donc, s'ils répondent à toutes les questions du jeu de piste, ils pourront élucider ce mystère. Mais ça, c'est super génial. Ça veut dire que, en fait, les enfants, on les amène et on les occupe toute la journée avec des coquillages qui auraient disparu. Ça s'organise comment tout ça, en fait ? C'est un travail d'équipe, un véritable travail d'équipe. Nous, on y travaille depuis déjà plusieurs semaines. Et donc, il y a aussi toute une synergie entre les différents services, puisque aujourd'hui, même les biologistes sont en train de mettre aussi quelques décors dans certains bassins. Donc, en vrai, il y a une vraie réflexion et un vrai travail en amont pour pouvoir offrir pendant toute cette période encore plus de surprises et encore plus d'animation à nos visiteurs. On ne le dit pas assez souvent et on sait qu'ils ont été à rude épreuve aussi tout l'été. On salue toute l'équipe au complet de cet aquarium Oniria, plus qu'un aquarium à Canet. Est-ce que ça va coûter plus cher maintenant que vous passez en mode Halloween ou est-ce que le prix d'entrée reste le même ? Non, évidemment, toutes les animations sont incluses dans le prix d'entrée. L'entrée adulte est d'ailleurs à 14,50 € et l'entrée enfant est à 11 €. Les moins de 3 ans bénéficient de la gratuité. Merci beaucoup, Jessica. Bravo pour ce que vous faites. Est-ce que vous allez vous déguiser en sorcière ? Pas moi, mais les agents d'accueil ont prévu aussi pas mal de surprises. Donc, je vous invite à venir. Pourquoi pas vous ? Gilène ? Je suis dans le bureau, moi, donc on ne me voit pas, c'est pas drôle. Ouais, mais pour les collègues qui viennent, allez. Allez, c'est le challenge. Tout le monde déguisé à Oniria. Et les enfants, on leur conseille de venir aussi déguisés, les parents aussi, de jouer le jeu quand même. Exactement, c'est toujours plus sympa. Et le 31, je ferai l'effort et dites rien que pour vous, je me déguiserai en sorcière. Et je viendrai aussi déguisée en sorcier. Ou en sorcière aussi. Ou en citrouille. Ah oui, en citrouille, ça collera mieux au personnage. Merci beaucoup, Jessica. À très bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Edith. Au revoir. Oniria, l'aquarium de Canet qui se met aux couleurs d'Halloween. Un rendez-vous à ne pas manquer. Axel Bauer. Bauer. Éteint la lumière. c'est Axel Bauer qui chante. Et dans nos villages, c'est Charles Jésus-Pré qui reprend souvent ce titre-là et qui nous enflamme. On salue à travers ce titre d'Axel Bauer tous les artistes du pays catalan qui eux aussi se sont succédés les uns et les autres sur les scènes, les établissements et les échoppes du pays catalan. Félicitations, nous avons de très très beaux artistes chez nous. Que diriez-vous d'un peu de magie cet automne? La deuxième édition du Festival International de Magie s'annonce à Argelès et dans un instant, je vais vous offrir des places pour aller voir Antonio le magicien. C'est un phénoménalmentaliste. Vous l'avez découvert peut-être dans La France a un incroyable talent sur M6. Il sera le 5 novembre à Argelès. Des places à gagner dans une poignée de secondes. Le magazine épicurien des toques blanches du Roussillon Occitanie est sorti. Rencontres, visites et bons produits. Dans le numéro de l'automne, on cuisine avec Guillaume Guirado. Rendez-vous chez nos producteurs pour découvrir Potimarron et faire le plein de recettes de nos chefs. Le magazine des toques blanches, à retirer partout et à l'accueil de France Bleu Roussillon. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Askolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Les 21 et 22 octobre, le Salon du mariage fête son 30e anniversaire à la Halle du Parc des Expositions de Perpignan. Deux jours pour découvrir les tendances, comparer et obtenir des conseils avisés des 80 professionnels présents. Au programme, défilé nocturne animé le samedi, sans oublier le jeu des mariés avec un voyage et de nombreux cadeaux à gagner. Le Salon du mariage, les 21 et 22 octobre au Parc Expo de Perpignan. Programme sur congrès-perpignan.com. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Roussillon, ici, on parle d'ici. Et vous pouvez gagner tout de suite deux places pour aller dimanche 5 novembre prochain à 4h de l'après-midi à l'espace Jean Carrère d'Argelès dans le cadre du festival de magie à Brac-Argelès. Antonio le magicien sera là, le vainqueur de la France a un incroyable talent qui est passé maître dans l'art de la magie et du mentalisme sera là pour son nouveau spectacle Phénomentaliste. Il présente une série de numéros aussi époustouflants que drôles. Il mêle du mentalisme assez bluffant quand même et de la magie complètement déroutante. Antonio le magicien sera à Argelès le dimanche 5 novembre à 16h et vous y serez peut-être si vous aimez la magie et que vous gagnez vos places tout de suite au 04 68 35 5000. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see. A vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight I felt the energy. I saw the life inside. So shine bright the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of some rage. I saw the life inside you. Shine bright tonight. You and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Et c'est Rihanna que vous avez entendu sur France Bleu Roussillon. Bon courage si vous sortez du boulot. On n'est que mercredi, c'est que le milieu de la semaine. Bon courage aussi à vous les enfants hein, si vous reprenez les cours demain. Dans deux jours, ce sont les vacances. Profitez-en et soyez sages avec celle ou celui hein, qui est en train de vous accompagner au club de rugby peut-être, ou au cours de judo, de foot ou encore d'escrime. Geoffrey, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire, mais il a été le premier à nous avoir en ligne. Salut Geoffrey. Et bonjour. Je vais essayer de me concentrer, Geoffrey. Je vois que vous êtes un garçon. Oui, tout à fait. Votre maison est à Saleil. C'est ça. Salon, cuisine, deux chambres. Oui. Petit jardin. Petit jardin, terrasse. Jardin, terrasse. Pas de piscine encore, mais en projet. Pas encore. Je peux un jour. Je suis moi-même mentaliste. C'est merveilleux, je vois ça, oui. Je suis tombée presque pile à dessus tout quand même. Hein. C'est ça, en effet, valide. J'ai pas vu la terrasse. Vous gagnez deux places pour aller le 5 novembre prochain à 4h à l'espace Jean Carrère d'Argelès pour aller voir sur scène le nouveau spectacle phénoménaliste d'Antonio le magicien. Eh ben c'est super, un beau cadeau encore, merci beaucoup. Voilà, vous l'avez découvert peut-être à La France a un incroyable talent sur M6. Oui, j'avais vu aussi, oui, je regarde, hein, forcément. Il a gagné en 2016, c'est vrai qu'il est super bluffant quand même. Hein. Ouais, bah, j'ai hâte de découvrir, ça va être un beau moment, je pense. Voilà, après, attention, parce que moi j'ai fait n'importe quoi, mais lui il est vraiment très doué, si vous avez des choses à cacher. Oui, autre chose, ah ouais. Voilà. Mettez pas un caleçon rose, des choses comme ça. Hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous allez faire quoi là en raccrochant, Geoffrey ? Eh bien, je viens de me garer pour rentrer chez moi, je vais préparer à manger pour ce soir tranquillement. Dans votre maison à Saleil, avec deux chambres, un salon, une cuisine, une terrasse, un petit jardin. Absolument. Et bientôt une piscine. Et le soleil qui est revenu aujourd'hui, donc c'est merveilleux. Bon retour à la maison et voyez que votre merci. Fidélité à France Bleu Roussillon a été récompensée. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Ne raccrochez pas, je vous passe Véro, ne raccrochez pas. Ça marche, merci, au revoir. Si comme Geoffrey, vous arrivez à la maison, vous savez que vous pouvez aussi nous écouter via l'application ici par Radio France avec votre enceinte Wi-Fi. Parfois, écouter la radio, c'est mieux que de regarder la télé. Mangiando una sindria, su cosa carrega lima, al mio cacca già da lira, voglia saber com seria, sentir-te proper, jugar amb el conillet, gastant tu el meu carrer. Sentirme el teu amulet, camparte a la pista y que no me resista, que en buque me hiciste ser primer de la lista. Em provocava amb la mira, quan parlava jo notava i feia veure que no m'adonava. casa, pero, pero la fantasía no es ficción, ya no anda, pego, pego, ay, su ti pego. Vamos a ver la bachateta catalana, figa flava, cielo cartiti, day, day, day, siempre para compañía. Une bachata signée Figa Flowers sur France Bleu Roussillon. La bachata, quand c'est bien dansé, on peut même tomber amoureux. Quand on tombe amoureux, ensuite on se dit, tiens, on voudrait bien habiter ensemble. Et puis après on habite ensemble et on se dit, ça serait bien si on se mariait. Et ici, on allait au salon du mariage ce week-end pour savoir dans quelle robe on va se marier, qui va préparer le buffet. On en parle avec Sarah Bonnet. Bonsoir Sarah. Bonsoir, quelle belle transition. Pas mal, hein. Oui. C'est, à la bachata, je suppose qu'au salon du mariage, il y a des DJ qui vont être présents pour proposer leurs services aux futurs mariés. Oui, exactement. Il y en aura même plusieurs parce que cette année, on passe de 40 exposants en 2022 à 78 cette année. Donc, voilà. On double quasiment le nombre d'exposants et d'entreprises présentes sur site pour ce magnifique 30e anniversaire du Salon du Mariage. Vous êtes directrice générale du Palais des Congrès et du Parc des Expositions. Ça va se passer au Parc des Expos. Vous l'avez dit, quasiment 70 exposants avec de tout. Quasiment 80, 78 exposants, oui. Ouais, on va dire 80, il y en aura bien deux qui vont se rajouter. Ça s'adresse évidemment aux futurs mariés. Oui, alors aux futurs mariés ou futurs pacsés, à toutes les personnes qui veulent de façon générale fêter, célébrer leur union. Est-ce qu'il y aura, alors pardonnez-moi de la question, mais est-ce qu'il y aura un stand d'avocats? Non, mais parce que quand on se marie, il y a le contrat de mariage, alors on peut avoir des explications parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche, et puis parfois il y a aussi des questions qu'on peut se poser avant de se marier sur comment on va faire quand on va divorcer. Alors, il y a une personne qui sera là pour les assurances. Vous avez des personnes qui sont là pour vous accompagner pour l'organisation de votre mariage de A à Z. Vous avez vraiment du traiteur au bijoutier, en passant par un fleuriste, des coiffeurs, des wedding planners, et évidemment on a Création Catalane qui fait des espadrilles, très belles espadrilles de Madrid, de mariée, bien sûr des exposants qui vous montreront leur magnifique tenue hommes et femmes de mariée. On a des particularités hein, cette année. On a même un tatoueur hein, qui débute hein, et qui proposera des tatouages spécialement pour les mariés. Voilà. Ah, ça, c'est un bel engagement parce que l'alliance, on peut la garder dans la poche. Un tatouage d'alliance, ça ne s'enlève pas facilement. Oui. Mesdames, vous devez avoir l'impression que je plaisante, mais j'imagine quand on est amoureux et qu'on se lance dans un pacte ou dans un mariage, qu'on a envie que tout soit parfait, il y a plein de budgets différents. Est-ce que vous avez fait attention à ça pour cette édition-là, aux différents budgets justement des futurs mariés? Oui, il y a plusieurs personnes et plusieurs types d'organisations qui seront là pour. On a pour vraiment tous les budgets. Il y a des wedding planners qui accompagneront au mieux les futurs mariés dans le budget qu'ils aideront selon s'ils veulent dépenser faire une petite célébration à 40 ou à 400. Il y en aura pour tous les goûts, et donc je voulais insister sur le fait que c'était nos 30 ans du salon du mariage. Ouais. Ça fait 30 ans que les équipes du parc organisent complètement de A à Z ce salon qui est passé par tous les stades, qui a même été arrêté en 2020 à cause du Covid, et cette année on le célèbre en grande pompe avec de beaux partenariats de la Chambre des Métiers, de Discogic. On a même une agence de voyage, Languedoc-Roussillon Voyage, qui nous offre un voyage au Maroc, à Marrakech, pour deux personnes, 5 jours, d'une valeur de 2 500 euros. Au total, il y a plus de 8 000 euros de cadeaux à gagner. Il y a plein d'événements, il y a des défilés, il y a des moments musicaux. Je vous sens très très fière de ce rendez-vous en tant que nouvelle directrice générale du Palais des Congrès, du Palais des Expos. On sent qu'il y a beaucoup de fierté, 80 exposants, la fête évidemment. Ça se passe samedi et dimanche au Parc des Expos de Perpignan. Samedi c'est ouvert de 10h à 22h, dimanche de 10h à 19h. C'est 5 euros l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Est-ce qu'on a le droit de se marier avant 16 ans? Il faudra, je ne pense pas. Mais on a le droit de regarder avant 16 ans. Merci beaucoup. On a même Mickaël Révart, qui a été demi-finaliste de l'émission Un incroyable talent, qui viendra performer et samedi et dimanche et qui offrira les tableaux qu'il créera sur place. Merci beaucoup, voilà. Sarah Bonnet, de nous inviter à ce salon du mariage. C'est samedi et dimanche au parc des expositions. Bon salon du mariage, à très bientôt, Sarah. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt, au revoir. France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française. Découvrez ce soir Sophie Darly. Éric Bastien. Sophie, c'est une amoureuse de la soul, du jazz, du blues. C'est un bel héritage musical qu'elle a découvert grâce à ses parents. Elle partira aux États-Unis quand elle a 20 ans. Et là, ça y est, elle découvre le son de la Motown. Les standards de la soul l'inspirent. Un nouvel album est à découvrir. Sophie Darly, c'est à 20h. La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu. Chaque soir, dès 20h. À votre service. À votre service. Sur France Bleu Roussillon, Philippe Anglade. Vous avez réussi votre divorce ou votre séparation, racontez-nous. Vous êtes devenus bons amis, vous avez décidé de rester de bons parents unis. Peut-on réussir sa séparation mieux que son mariage? Votre séparation, faut qu'on en parle à 9h. À demain. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. Jusqu'à 19h. Edith Yatas sur France Bleu Roussillon. Décryptez le code de la carte bleue. La carte bleue sur France Bleu Roussillon. Et enfin, vous avez réussi à la faire craquer, cette carte bleue. Ce matin, on repart à zéro, on remplit l'escarcelle avec 1000 euros. 1000 euros en bon d'achat, 1000 euros que vous pouvez dépenser dans plein d'enseignes du département. 1000 euros en bon d'achat, si vous nous donnez un bon code à 4 chiffres. Allez-y, tentez votre chance, qui ne tente rien n'a rien. De toute façon, vous ne perdrez rien à nous appeler 04 68 35 5000. Aujourd'hui, on tente 1000 euros, demain, ce sera 500. Alors, tentez votre chance aujourd'hui, 04 68 35 5000. Non, c'est pas le code de la carte bleue, il a 4 chiffres. Là, c'est 04 68 35 5. Ah non, ça fait 10 chiffres. Non. Allez, 4 chiffres et peut-être 1000 euros pour vous. Bonne chance. Jouez maintenant à la carte bleue sur France Bleu Roussillon. La carte bleue au 04 68 35 5000. My heart, you are all I need tonight. At least we've got a start. Stéphane Escher pour accueillir Dominique et son code. C'est le moment de craquer la carte bleue sur France Bleu Roussillon. Est-ce que Dominique aura le bon code carte bleue? Dominique de Tresserre qui se prépare à la fête des sorcières. Salut Dominique! Exact, oui, bonjour! Ça va être la fête hein, pendant 3 jours dans votre village à partir de demain. Vendredi. Non, vendredi soir et puis samedi dimanche, voilà. Ça fait du bien d'avoir cette fête hein, dans le village. Hein. Ah oui. Pour les petits et les grands. Ouais. Bon, Dominique, peut-être par un coup de baguette de sorcière magique, vous arriverez. J'essuie les plâtres, ce que j'ai compris. Pardon ? J'essuie les plâtres, ça redémarre, là, c'est ça ? Eh ouais, ça redémarre. 1000 euros dans la boîte carte bleue. On ne sait jamais, allez-y, lancez le truc. Hein. Ça prend un petit bout de chemin. Bon, au hasard, 4, 8, 6, 9. 4, au hasard, 4, au hasard, 4, 8, 6, 9. 4, 8, 6, 9. Eh ben, au hasard, il y en a un de bien placé quand même, hein. Un de bien placé. Eh ben, ouais. 4, 8, 6, 9, il y en a déjà un de bon. Donc, entre le 4, le 8, le 6 et le 9, vous en avez un bon. D'accord. Voilà. Merci. Là, je vous sens pas en mesure de noter, mais gardez bien le chiffre en tête, hein. Non, mais j'ai eu le temps de cogiter toute la chanson, donc je me souviens. Bon. Bonne fête des sorcières ce week-end et à très bientôt sur France Bleu Roussillon. À bientôt. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ne loupez pas les bons chiffres. La carte bleue. Sur France Bleu Roussillon. Et c'est Obispo. Personne sur France Bleu Roussillon pour vous accompagner. Comme Dominique, vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter en voiture. Soyez prudents. Les infos de 18h arrivent. On reparlera de cet incendie qui s'est déclenché en début d'après-midi à Yo. J'avais perdu l'habitude des clés de la solitude. J'avais perdu la mer et les déserts arides, même la chaleur des pullovers. J'avais perdu l'enfer. J'avais oublié les refrains qui nous rappellent à l'homme et ton foutu désordre, ce désordre essentiel mais si confidentiel. L'existence et les roses se fanent, même à lundi. Au paradis, personne ne te remplace.

France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Roussillon. Et bon début de soirée, il est tout juste 6 heures. 6 horas. À 6 heures, le journal est présenté par François David. François, la météo, pas de grands changements pour demain. Oui, toujours cette alternance de soleil et de nuages et ce vent du sud qui va se renforcer pour souffler en rafale à 60-70 km/h sur tout le département et même 90 km/h sur le Cap-Cyr demain soir. On attend encore des averses en fin de journée et sur les reliefs et les températures en légère baisse, maximale de 26 sur le Roussillon et le Conflent demain. À la une ce soir, la colère des viticulteurs qui s'apprêtent à manifester, François. Oui, c'est toute une profession qui est en pleine détresse après avoir vécu la pire récolte de toute l'histoire des Pyrénées-Orientales. Et comme les aides réclamées n'arrivent pas, les viticulteurs ont décidé de faire souffler un vent de révolte demain dans le département. Rassemblement à 9h sur le parking du parc des expos de Perpignan. Avant sans doute une action coup de poing. Pour l'instant, le secret est gardé. Les viticulteurs de l'Aude sont également attendus en renfort. C'est le jour 1 de la révolte, proclame David Drille, président des vignerons catalans. Toute la production viticole du département doit se réunir. On va essayer de créer une osmose sur le terrain déjà et sur les départements pour défendre au mieux notre identité et nos exploitations qui sont mises à mal déjà depuis 5 ans et la situation est devenue intenable. C'est une action clairement symbolique mais en même temps peut-être coup de poing, tout dépend la manière dont on est accueilli et j'espère qu'on sera vraiment énormément de personnes parce que la situation est dramatique et qu'aujourd'hui on n'a plus le temps d'attendre. Aujourd'hui c'est manifestation avec plusieurs départements sur la région Occitanie. En novembre ce sera, on est en train de préparer une manifestation régionale avec tout le bassin de production régional. Il y aura énormément de jours tant qu'on n'aura pas les réponses qu'on a demandées. On en a assez et on veut des réponses. La colère des vignerons qui manifeste donc demain dans le département avec sans doute une action spectaculaire. On y reviendra largement demain dans la matinale de France Bleu Roussillon. Et c'est le président des jeunes agriculteurs, Pierre Hilary, qui sera notre invité à 8h moins le quart. Un gros dispositif de pompiers déployé cet après-midi en Cerdagne pour un feu de forêt qui s'est déclaré vers 13h30 à Yau, près des Bains Chauds. C'est un immense massif forestier qui était menacé. Du coup, les pompiers n'ont pas lésiné sur les moyens. Une cinquantaine d'hommes, 4 canadaires, pour éviter à tout prix que les flammes ne prennent de l'ampleur dans ce secteur de montagne escarpé et difficile d'accès. Ce soir, le feu est fixé, mais pas encore maîtrisé. Il a détruit 2500 mètres carrés de résine. Et puis, autre incendie en début d'après-midi, en bordure de National 116, près d'Ille-sur-Tête. Il a fallu neutraliser une voie de circulation pour permettre aux pompiers d'éteindre les flammes. La proposition de Carole Delga suite au drame d'Arras. La présidente de Région Occitanie souhaite installer dans les lycées une borne d'appel d'urgence directement reliée aux commissariats et gendarmeries. Le bilan revu à la hausse après la minute de silence observée lundi dans tous les établissements scolaires, ce sont pas moins de 357 perturbations et contestations de la part d'élèves qui ont été signalées au ministère de l'Éducation nationale qui a décidé de saisir systématiquement le parquet. Dans ce contexte, les alertes à la bombe se multiplient à travers la France. Au moins 11 aéroports ont été évacués aujourd'hui, après des menaces d'attentats, ce qui a provoqué d'importantes perturbations et des retards, notamment à Toulouse et à Bordeaux. France Bleu Roussillon, 18h03, une bonne nouvelle pour 4 communes des Pyrénées-Orientales. 4 communes où le marché immobilier est sous tension, il est difficile d'y trouver un logement. Le gouvernement annonce qu'elle bascule officiellement en zone tendue. Il s'agit de Céret, Sainte-Marie, Saint-Estève et Font-Romeu. Elles viennent s'ajouter aux 9 communes qui bénéficiaient déjà de ce dispositif dans le département. Ça veut dire que les habitants peuvent accéder plus facilement à des prêts à taux zéro, que la construction de logements y est facilitée, notamment pour du logement locatif intermédiaire. Pour Robert Villa, maire de Saint-Estève, ce passage en zone tendue relève bien le dynamisme que sa commune connaît depuis quelques années. C'est une bonne chose pour la ville de Saint-Estève puisque ça confirme le fait que Saint-Estève est une ville dynamique qui est très demandée pour venir y vivre. Si vous avez un bien sur Saint-Estève que vous voulez le vendre, il est vendu dans le mois qui suit, vous trouvez un acquéreur. Donc ça prouve qu'il y a une forte demande sur la ville. Il y a très peu d'offres en matière de disponibilité. C'est une réalité. Oui. Donc le fait de pouvoir entrer dans cette zone va nous permettre, bien entendu, à des investisseurs de faire des programmes qui vont faciliter le logement sur Saint-Estève. Après, la difficulté, ça ne laisse pas du foncier supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va être contraint dans le périmètre existant, là où il reste encore quelques dents creuses, elles sont rares.